La fin de l'impératrice Augusta. Une aventure d'Elsa von Legels par Gaston-Charles Richard. Vers la fin du mois de mars 1921, Elsa se trouve à Amsterdam pour une affaire importante, mais assez banale, de vol de pierres précieuses, se résolut non sans quelque appréhension à faire une visite au baron Florent von Rangen. C'était, on s'en souviendra peut-être, cet ancien ami de son père à qui elle avait tiré une si forte épine du pied et de qui elle était sans nouvelles depuis le jour où, près d'elle, il introduisait, au premier jour de la guerre européenne, le trop célèbre von Schenk, l'un des chefs les plus redoutés de l'espionnage et de la propagande germanique. Elle se disait, non sans quelque apparence de raison, que le baron devait avoir une dent contre elle, ce qui, étant donné l'humeur de dogue du grand seigneur néerlandais, lui faisait redouter un accueil assez rude. En arrivant au château, la jeune femme apprit que le baron était en visite, lui-même, chez le Kaiser, à qui, une fois par semaine, il allait présenter ses devoirs. « Mais son Excellence rentrera très certainement pour le thé, » dit le maître d'hôtel. « Et si madame veut bien attendre son Excellence, madame sera certainement reçue, car la visite de madame sera une grande diversion aux tristes pensées de son Excellence. » Et le digne serviteur soupira en prenant une physionomie de circonstance. « Madame vient sans doute pour ce qui se passe au château de Dorn ?»« Oui, monsieur Casper, » répondit Elsa à tout hasard. « Hélas, le mal a fait de si grands progrès que sa majesté est perdue, » dit le maître d'hôtel. « La paralysie est presque complète depuis hier, et bientôt il ne sera plus possible de cacher la triste vérité à tout le monde, ce qui donne bien du souci à sa majesté l'empereur. » « Sa majesté l'impératrice est-elle donc si bas ?» interrogea Elsa. « Sa majesté est condamnée, madame, » dit Casper en se retirant. Elsa demeura seule dans l'immense salon au plafond caissonné de chêne, alourdi d'armoiries, à la vaste cheminée à haute de pierre où flambait un grand feu de bois. Elle s'assit près des chenets et contempla rêveusement dans les lueurs d'encens du foyer les portraits de Van Dyck au beau doigt long et pur, pâles, en velours noir, sur leurs vieilles des murs, qui, du fond de leurs collerettes de dentelle ou de leurs fraises gaudronnées, fixaient de leurs yeux immobiles l'immobile paysage d'arbres noirs et de neige fondante, apparu avec les tons d'un fond de Bruegel le Vieux dans l'eau verdâtre des vitraux qui closaient les hautes fenêtres. Un bruit de porte ouverte et fermée, un court dialogue, brusque et autoritaire, d'une part, servile de l'autre, la firent se redresser, le cœur battant un peu plus vite. L'instant d'après, sous le flamboiement des appliqués des lustres, son Excellence Florent von Rangen, ancien ministre d'État, entrait dans le salon. Une tristesse immense avait scellé les commissures de sa bouche. Il salua la jeune femme courtoisement. « Je suis content de vous voir, » dit-il, « mais je n'aurai pas grand temps à vous donner. Il va falloir que je retourne là-bas, pour la veillée suprême. Je l'ai formellement promis à Sa Majesté l'Empereur. » Et comme Elsa demeurait muette, il dit, d'une voix qui tremblait, « Sa Majesté l'impératrice Augusta Victoria est morte. » Il s'assit en face d'Elsa qui, silencieusement, reprit sa place. Et de longues minutes s'écoulèrent sans que le vieil homme reprît la parole. Enfin, il parla à mi-voix, comme pour lui-même. « Si vous saviez ce qu'elle était pour moi, » dit-il, « en 1883, quand je fus nommé à Berlin premier secrétaire d'ambassade, elle rayonnait, vraiment, dans toute la fleur de sa jeunesse. » Elle m'accueillit avec une telle bonne grâce, une si charmante bienveillance, que mon cœur lui fut acquis. Elle m'honora de sa confiance et de son amitié. Et elle ne fut pas par la suite sans me confier ses chagrins, car elle ne connut pas un bonheur sans nuages. Mais dévouée à son pays d'adoption, à son mari, à ses enfants, d'âme pieuse et d'humeur égale et douce, elle fut la vraie femme germanique, selon la loi qui dit « Dieu, la maison, les enfants ». Elsa, silencieuse, écoutait. Le baron reprit sourdement. Et pourtant Dieu l'a frappé. Sa maison s'est écroulée comme verre, et ses enfants, Seigneur. Il faudra que j'aie supplié son aîné de venir s'incliner devant sa dépouille mortelle. Il l'aimait bien pourtant, mais qu'il la fit donc souffrir par son ingratitude et sa sécheresse d'âme. Il s'interrompit brusquement. Le majordome ouvrait la porte d'un petit salon et s'inclinait sur le seuil. « Allons prendre le thé, » dit le vieillard. « Nous causons après. Venez, ma chère enfant. » il s'assit devant une tasse énorme de cacao brûlant. Les rites accomplis, Elsa dit, en s'inclinant, « Excellence, il va me falloir partir. J'aurai tout juste le temps de gagner le train pour Amsterdam. » « Faites-moi la charité de rester ici, » dit le vieil homme. « Acceptez mon hospitalité en mémoire de l'amitié qui me lia jadis à votre père. Ma solitude, si lourde à l'ordinaire, me sera plus lourde encore ce soir. Vous acceptez, n'est-ce pas ?»« Oui, Excellence, » dit la jeune femme. « D'ailleurs, il se pourrait que l'on eût besoin de vos services à Dorn durant les quelques jours qui vont s'écouler avant les funérailles. Oui ?» car il va tomber ici une nuée de journalistes, de délégués, de photographes, de curieux. Il nous faudra surveiller tout ce monde-là, car dans le tas, il pourrait bien se glisser un homme ou une femme dont les intentions ne seraient pas bien claires. Un coup de feu est vite tiré, une grenade est vite lancée. On prendra, je le sais bien, des précautions extraordinaires. Déjà, on a doublé les gardes. Ce soir, le capitaine de gendarmerie Van Houten a été mandé avec un gros renfort. Mais Sa Majesté l'Empereur a des raisons de craindre que l'on ne veuille à sa vie. Je prierai le chambellan de Sa Majesté de vous confier la surveillance des journalistes et des photographes. L'Empereur les déteste et dit que ce sont tous des voyous. Il dit aussi que si jamais il est assassiné, ce sera par l'une de ces canailles-là. 3 jours plus tard, Elsa, en compagnie du baron von Rungen, se présentait au château de Dorn où, sur le dessin et l'inspiration de Kaiser, des ouvriers hollandais triés sur le volet achevaient de construire une porte monumentale en briques rouges et pierres jaunâtres, de style moyenâgeux et d'allure pesante. Von Rungen présenta Elsa au chambellan impérial et à son secrétaire, qui tous deux s'exprimaient en français avec une pureté d'accent remarquable. Après un interrogatoire bref et courtois, le chambellan disparut durant quelques instants, puis revint et prit Elsa de le suivre. Il l'introduisit dans une assez vaste pièce qui devait servir de bibliothèque et qu'occupait au centre une table ronde couverte d'un tapis de velours vert. Au centre du tapis, sur un socle de bois verni, était placée une bûche de hêtre assez grosse qui, à ses extrémités, portait d'un côté un W entaillé profondément au ciseau et de l'autre cette inscription ahurissante en allemand « Ma 10000e bûche, Dorn, février 1921, Wilhelm ». Elsa, stupide d'étonnement, achevait à peine de lire l'inscription qu'une porte sous tenture, ouverte brusquement, livra passage à un homme assez corpulent, de taille moyenne, aux cheveux drus et gris, à la barbe longue en pointe, à la moustache tombante, qui portait la redingote d'uniforme de drap de soie vert bleu des officiers généraux allemands et au col le funèbre insigne de la croix de fer de première classe. Elsa reconnut, bien qu'elle ne l'eût jamais vu, celui qui avait été le seigneur de la guerre, l'ex-empereur d'Allemagne et roi de Prusse, Guillaume II. Devant cette face ravagée, boursouflée, aux yeux trop saillants, que soulignaient des poches brunâtres, mais dont le regard était toujours arrogant et dur, la jeune femme, qui ne s'attendait pas à une telle entrevue, perdit un peu contenance et fléchit le genou pour une gauche révérence de cour, ce qui fit sourire l'ex-Kaiser. « Remettez-vous, mademoiselle ?» dit l'empereur en français. « Van Rungen, notre ami, nous a dit que l'on pouvait avoir confiance en votre parole. J'en suis personnellement aise et crois volontiers que vous veillerez sur nous tous avec dévouement. Mon secrétaire vous dira ce qu'il attend de vous. » Il parlait haut, d'une voix forte, nasale un peu, et avec un sourire qui voulait être aimable. « Je puis assurer votre majesté que je ferai de mon mieux, » dit Elsa, avec une nouvelle révérence. « Oui, je sais. » « Mais répondez-moi avec franchise, pourquoi vous êtes-vous mise à faire ce métier-là » dit l'empereur. « Pour vivre, sire, par goût aussi, je dois l'avouer. »« Et vous y gagnez beaucoup d'argent ?»« Oui, sire, » fit Elsa avec un sourire. « Et ça vous plaît ? Le métier n'est pas sans péril, pourtant. Avez-vous été blessé dans le cours de votre carrière ?» poursuivit l'ancien souverain avec curiosité. « Oui, sire, plusieurs fois. Extraordinaire !» dit l'empereur. « Je regrette que le temps me manque pour vous entendre plus longtemps. Je regrette aussi que vous ne soyez pas allemande. Au revoir, mademoiselle. » Pivotant sans légèreté sur ses talons éperonnés d'or, le Kaiser gagnait la porte et, par un salut de la tête assez gracieux, disparaissait. Une minute plus tard, le secrétaire privé reparaissait, courbé en deux. « Quelle faveur, Sa Majesté vous a faite, mademoiselle » dit-il avec componction de son air le plus suave en croisant ses mains sur sa poitrine. Dorn est une gentille bourgade où ne manquent ni les prévères, ni les eaux vives, ni les feuillages épais, car un assez beau bois de chêne et de bouleaux, de sapins et de hêtres l'entoure. Il est traversé d'une rivière canalisée et semé de prairies, mais elle ne compte qu'un seul hôtel où trois agents de la sûreté hollandaise sont installés à demeure dans les meilleures chambres du rez-de-chaussée. On y avait réservé pour Elsa une chambre avec cabinet de toilette assez confortable et point trop mal chauffé, chose appréciable, car le froid sévissait encore avec rigueur en ce rude printemps. Toute une nuée de journalistes, de photographes, de cinégraphes vivait là, pêle-mêle, tenue à distance du château par les gardes, surveillée par la police hollandaise, les gendarmes, les forestiers, les agents secrets, et par Elsa, qui, vêtue de noir, le visage trop fardé et atrocement maquillé, en caricature d'elle-même, se faisait passer pour journaliste polonaise et massacrait avec la même tranquillité et le même affreux accent yiddish, le français, l'anglais et l'allemand. Elle avait été admise à voir l'impératrice morte sur son lit, et elle gardait un souvenir halluciné de cette effrayante momie, aux chairs jaunâtres, mais peintes, maquillées, coiffées, frisées, qui, en robe de satin blanc, barrée par le grand cordon de l'aigle noir de Prusse, un autre ordre à ruban bleu et à étoiles de diamant attachées au corsage, était étendue sur un couvre-pied de satin jaune. Et plus encore conservait-elle la mémoire de ce que lui avait dit l'un des familiers de l'empereur pour justifier le froid intense qui régnait dans cette pièce. Il n'était pas possible de garder le corps de Sa Majesté dans une pièce chauffée, malgré les antiseptiques, les baumes et les parfums employés pour l'embaumement. La chaleur, n'est-ce pas? Et aussi le diabète. Elle avait des tas de plaies qui ne se fermaient pas de son vivant. Alors il a fallu l'envelopper dans des bandelettes de soie et de caoutchouc, surtout les jambes. Elle avait enduré tout sans se plaindre durant sa maladie, mais elle aurait voulu que Sa Majesté l'Empereur fût plus souvent près d'elle. Mais il ne venait guère qu'une heure par jour, n'est-ce pas? Parce qu'il n'aime pas voir souffrir, vous savez. Quand il était là, elle se plaignait beaucoup. Elle geignait comme une enfant. Alors il s'en allait. Et dans son salon à lui, il jurait grossièrement. Dans le chagrin ou la contrariété, il dit des choses à faire rougir tout un corps de garde. Tout cela avait été dit à voix basse, en chuchotant devant la dame et la demoiselle d'honneur et le pasteur de Dorn en prière, grelottant sur leur prie-dieu, dans le courant d'air glacé des fenêtres ouvertes. Les journalistes s'ennuyaient. Les photographes n'ayant rien à photographier, tuaient le temps en jouant aux cartes. Toute une foule assiégeait l'hôtel. Journalistes allemands, anglais, américains, hollandais, belges, français, italiens, autrichiens formaient des groupes sourdement hostiles. Les cinégraphes passaient leur temps à promener leurs caméras et leurs tripodes que les gendarmes du capitaine Van Houten, courtois, bien mis, jeunes, parlant avec aisance quatre ou cinq langues, mais aussi roides qu'une potence dans l'exécution de ses consignes, regardaient avec méfiance. Elsa, au contraire, s'amusait beaucoup à surveiller tout ce monde singulier. Le lendemain du jour où elle avait pris son service, il eut un moment de gros émoi. On apprit que le Crown Prince venait d'arriver au château conduit par un vieil homme. Il était 1 heure de l'après-midi, et l'on venait, dans le clan des journalistes, de se mettre à table. Délaissant les beefsteaks trop cuits et les pommes de terre bouillies, tous se ruèrent vers le château, et 3 heures durant, grelottant, fumant, le ventre creux, ils demeurèrent là, guettant, dans l'espoir d'une impossible interview ou d'une déclaration plus impossible encore, la sortie de l'héritier du trône. Enfin il vint, celui que tant l'on attendait. Sous le porche de briques, déjà noyé d'ombre, apparut le Crown Prince Frédéric Guillaume Victor Auguste Ernest de Prusse, prince impérial d'Allemagne, Altesse impériale et royale, général de division de la garde impériale de Prusse, colonel et lieutenant-colonel honoraire de 20 régiments étrangers, recteur magnificus de l'université de Königsberg, chevalier de l'ordre de l'Aigle Noir, de l'Annonciade, de Saint-Hubert, des Séraphins, de la Toison d'or espagnole, de la Jarretière, de l'Éléphant, du Grand Solin. En raglan de sport, couleur moutarde, chaussé de gros souliers, guêtré de leggings boueux, vêtu d'un complet gris vert, un cache-nez marron autour du cou, une casquette d'automobiliste sur le crâne, une canne d'alpiniste au poing, le teint rougeau, semé de taches de son, le poil rousseau mal rasé, les yeux clignotants, l'air à la fois rusé et rigolard, tel se montra le fuyard de Spa, le forgeron de Wieringen. Son compagnon en jaquette noire bordée, col blanc trop haut, le crâne rasé, passé au papier de verre, le chapeau melon à la main, la moustache coupée à l'américaine et mal teinte, était l'un de ses amis, un prince prussien. Le premier avait ce jour-là l'apparence d'un marchand de bestiaux, l'autre, celle d'un petit garde-papier dans un bureau administratif quelconque. « Vrai, » dit un photographe stupéfait, « il ne dégote pas trop pour des altesses. » Autour des deux hommes, les journalistes s'empressaient. « Monseigneur, » dit l'un. « Ich verstehe nicht. Je ne comprends pas. » répliqua rudement le Kronprinz, et il s'éloigna sous une mitraille de Kodak. Elsa, le soir même, allait au rapport et rendait compte de l'état d'esprit des journalistes. « Ils sont tous furieux, » dit-elle. « Peut-être vaudrait-il mieux leur accorder la faveur de quelques renseignements, si minces qu'ils fussent. Limités au bruit qui court, aux racontars, aux rumeurs promenées ici et là, de bouche à oreille, ils en sont réduits à télégraphier n'importe quoi. Encore un peu et ils vont dire des bêtises. » Créer plus d'hostilité encore autour de l'empereur. Mais que leur dire ? Gémit le chambellan. Donnez-leur des détails sur la cérémonie qui se prépare. Rien n'est arrêté encore. On doit transporter le corps en Allemagne, l'enterrer à Potsdam, mais il y a des résistances. On craint des manifestations. Pouvons-nous dire cela ? Il faut attendre. Le lendemain, toujours à l'heure du déjeuner, un long brombissement d'hélices, musical et grave, faisait bondir journalistes et photographes, cinégraphes et curieux. Un grand avion, très haut, tournait lentement au-dessus du château. Tous, le nez en l'air, attendaient, anxieux. Quel était le message qu'il apportait ? Ami ? Ennemi ? En décrimant de larges spires, l'avion se rapprochait du sol. Il survola le château et tout à coup on vit tomber de la carlingue un paquet noirâtre auquel était attachée une longue banderole. Puis, reprenant de l'altitude, l'appareil disparut dans le ciel gris et bas, moucheté de neige. Vers le lieu où était tombé le singulier renvoi, ce fut une galopade effrénée, et bientôt un garde forestier haletant mit la main dessus. C'était une couronne funéraire traversée d'un ruban noir et ornée d'une longue écharpe de crêpe. Sur le ruban transversal était tracée cette inscription « Alors vénérée souveraine, Sa Majesté impériale et royale, Augusta Victoria, les officiers de la garde royale ». Les photographes durent livrer bataille pour pouvoir faire un cliché de cette couronne. Déjà, les reporters s'écrasaient au guichet du télégraphe. Le soir même, Elsa, que déjà l'on connaissait bien parmi les serviteurs de la porte, se faisait annoncer chez celui des fonctionnaires qui, chaque jour, recevait son rapport. Elle le vit, pâle, tremblant, gêné, ne sachant où se fourrer. « Je vous demande pardon, » dit-il précipitamment. « Revenez tout à l'heure. Oui, oui. » cria-t-il en se précipitant pour répondre sans doute à une impérieuse sonnerie. Il fila, la tête retournée et les pans de l'habit en l'air, selon la locution allemande. Elsa demeura seule devant la porte entr'ouverte. Une grosse voix violente, nasale et forte, venait jusqu'à elle. « Non, » proférait-elle avec force en langue allemande, « les joyaux de ta mère sont propriété de la couronne et font partie de la cassée des impératrices. Et puis... « Tais-toi, je te l'ordonne, je suis ton père et ton empereur. »« Je ne le nie pas !» cria une autre voix irritée. « Est-ce une raison pour me frustrer encore de mon héritage ? Ta couardise me coûte déjà l'Empire et le royaume de Prusse. Si tous ces socialistes sont au pouvoir, sous le sabre du maréchal, c'est ta faute. Tu n'as rien fait pour moi, ni pour nous. Et ton avarice sordide veut me prendre encore ma part des diamants de ma mère. Je les veux, entends-tu, et je les aurai. » Ils sont la part de ma femme. Assez, assez, je t'ordonne de te taire, Fritz Wilhelm. Suis-je un morveux de 12 ans pour qu'on m'impose silence ? Je ne me tairai pas, je me suis battu, moi. J'ai commandé des armées. J'ai été dans l'enfer de Verdun, pendant que tu restais caché dans un terrier de lapins à Charleville. J'en appellerai au témoignage de mes compagnons d'armes. Ne m'as-tu pas décerné les feuilles de chêne après la prise de Douaumont ? Pour faire taire ceux qui t'accusaient d'incapacité, fils ingrat et rebelle. Je veux ces diamants, entends-tu ? Tu ne les auras pas. quand je devrais les prendre de force. Malheureux, malheureux, que viens-tu de dire ? Quoi ? Tu oserais porter la main ? Sacrilège ! Pourquoi me pousses-tu à bout ? Pourquoi, par ton maudit autoritarisme, m'as-tu obligé à fuir ce toit ? Pourquoi m'accules-tu aux expédients, moi, prince impérial et royal, par ton effroyable avarice ? Pourquoi, sinon par ta faute, suis-je obligé de vivre comme un rat dans mon trou de Wieringen, de forger des fers à cheval frappés de mon chiffre, que le fer en vend un florin pour mon compte et dont il garde la moitié pour lui ? Ah, oh, je te ris au nez, tiens ! Si je retournais en Allemagne, moi, on m'accueillerait en victime de ta lâcheté. On me laisserait y vivre. Vas-y, toi, si tu l'oses, tu seras obligé de fuir sous les menaces. Je te somme de te taire, ou je te fais jeter hors d'ici par les gardes forestiers. Ose-le donc. Un silence terrible régna. Elsa, tremblante et pâle, la sueur au front, écoutait, et son cœur battait à coups redoublés dans sa poitrine. Fritzi, dit enfin la grosse voix nasale, avec un accent de prière, je t'en conjure. Ne troublons pas le repos d'une morte. Je te pardonne tes erreurs. Tu m'ennuies. Donne-moi ma part. Je ne demande rien d'autre. Mais qu'en veux-tu faire ? Emprunter sur leur gage, payer ce que je dois, vivre enfin. Vivre comme un homme, et ne plus être contraint, comme je l'ai fait l'hiver dernier, à me coucher avec le jour, faute de pétrole ou de chandelle, faute d'argent aussi, puisque tu m'en refuses, toi que l'on comble d'or. Ce n'est pas vrai. « Ne dis pas cela, je le sais. » Un poing violent heurta une table. « Tu n'auras rien, rien, rien sinon au jour voulu. Et si tu ne veux pas te soumettre, quitte cette maison ou je veillerai seul. »« Eh bien, bonsoir. »« Où vas-tu ? » ?»« Au diable. » Le bruit d'une porte qu'on referme avec fracas parma jusqu'à Elsa, qui, sans plus attendre, se jeta hors de la pièce et s'enfuit, bouleversée par ce qu'elle venait d'entendre. Le lendemain, le bruit se répandait que l'héritier du trône impérial avait quitté la demeure de son père pour aller habiter seul, avec un serviteur, une villa, une cabane plutôt, située en plein bois. 20 journalistes, 20 photographes, autant de cinégraphes cernèrent la maison à distance. Peine inutile, car 10 minutes plus tard, un peloton de gendarmes et de gardes leur faisait évacuer la place. « Je dois vous prévenir, messieurs et mesdames, » dit le capitaine Van Houten, que les consignes les plus sévères sont données pour éviter toute manifestation déplacée envers nos hôtes. Les forestiers ont tous reçu l'ordre de tirer sur quiconque essaiera de franchir les portillons, portes, chicanes, etc., qui sont pratiqués dans les clôtures de cette partie du bois. Je ne vous dis pas cela pour vous intimider, mais pour vous faire part d'un danger réel. Tout cela était dit sans rigueur inutile et même encore avec le plus aimable sourire, mais sur un ton tel qu'il n'y avait point à s'abuser. Pourtant, le lendemain, veille des obsèques, un journaliste et un photographe français, tous deux, osèrent tenter l'aventure, trompèrent la vigilance des gardes, et tout en s'attendant à entendre siffler une balle à leurs oreilles, se glissèrent sur le routin de la villa forestière qu'occupait le Kronprinz. Quelles ne furent pas leur stupeur et leur joie quand ils le virent s'avancer en compagnie de son ami qui l'emmenait déjeuner au château de Dorn. Résolument, ils barrèrent la route. « Monseigneur, dit le photographe, je suis un ancien combattant de Verdun. »« J'étais au marais de Saint-Gon, dit le journaliste. « Que désirez-vous de son Altesse ? Un cliché. »« Une interview. » Le Kronprinz s'écoutait. « Da, da, da, da, da, da, da, et da, da, da, da, da, da, da, cria-t-il tout à coup. « Da, da, ya, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. » Il gesticulait, en parlant ainsi, et faisait des moulinets avec sa canne. Puis il prit ses longues jambes maigres à son cou et détala, suivi par son ami qui, dans la course, perdit son chapeau melon et dut le ramasser, et laissant là les deux compagnons malades de rire. Le lendemain, la presse britannique reproduisait le récit du journaliste français et publiait avec un remarquable ensemble que le Kronprinz était devenu dadaïste. La colère fut grande parmi l'entourage du Kaiser en apprenant, de la bouche du héros de l'aventure, cette histoire savoureuse. On jura de faire payer cher aux pauvres envoyés spéciaux cette incartade de l'un d'eux. Elsa fut morigénée pour n'avoir pas su prévoir cette tentative. D'ailleurs, le dénouement approchait. On savait que le corps de la défunte impératrice d'Allemagne passerait une nuit en gare à Marne, dans un wagon transformé en chapelle ardente, et que de là, on le dirigerait sur Berlin par la Westphalie. On savait que dans le parc du château de Dorn, on élevait, selon la farouche tradition deux fois millénaire des tribus germaniques, trois bûchers qui brûleraient toute la nuit des funérailles et dont la rouge splendeur éclairerait la nuit de printemps. On savait que le Kaiser, en gare de Marne, prononcerait l'éloge funèbre de l'impératrice, que des milliers de télégrammes arrivaient d'Allemagne. On ne savait pas ce qui se passait au château. La mise en bière avait donné lieu à une scène où le tragique le disputait au comique macabre. Ceux qui ont fourni le triple cercueil ont mal pris leurs mesures, si bien que lorsqu'on l'a voulu enfermer dans le cercueil de plomb le corps de Sa Majesté, on s'aperçut qu'il ballotterait indécemment de haut en bas et de gauche à droite, dit à Elsa son informateur habituel. Alors il a fallu envelopper le corps dans un grand couvre-pied de soie bleue et jaune, bien serré autour du corps de Sa Majesté défunte, avec des bandes de crêpes, afin que l'étoffe ne dépasse pas et ne prenne pas feu au moment de la soudure du couvercle. Il a fallu aussi caler le tout aux pieds et à la tête avec des oreillers. Sa Majesté l'Empereur était horriblement en colère et a dit pique-pendre de ces porcs de nécrophage qui ne savent même pas leur métier. C'était une scène abominable et si douloureuse, n'est-ce pas ? Sa Majesté a pleuré. C'était très pénible. Et que disaient le Kronprinz et son frère ? Son Altesse impériale et royale ne disait rien, mais Son Altesse le Prince Eitel pleurait à chaudes larmes et a prié longuement quand Sa Majesté l'Empereur se fut retiré pour aller préparer son discours. Car elle ne peut pas ne pas le préparer, n'est-ce pas, malgré son éloquence naturelle. « Certes non, » dit Elsa sidérée. Le gouvernement néerlandais avait à trancher une grave question de protocole. Devrait-on autoriser l'ex-Kaiser à suivre en uniforme le convoi de l'impératrice ou bien refuserait-on cette autorisation ? La vue des uniformes allemands n'allait-elle pas provoquer des manifestations désobligeantes parmi le peuple et les hôtes étrangers ? On fit observer au grand maréchalat de la cour hollandaise que les funérailles auraient lieu de nuit, que le cortège se déroulerait en automobile entre des haies de gendarmes, que le prêche impérial et le cortège funèbre auraient pour cadre un quai de gare, qu'un rideau de jeune sapin très serré empêcherait tout regard indiscret, si bien qu'on autorisa en fin de compte le défilé en uniforme. À 7h30 du soir, on alluma les bûchers qui, une heure plus tard, brûlaient à pleine flamme, déroulant au vent, sous le ciel sombre moucheté de neige, de longues écharpes de fumée noire et rouge pailletées d'étincelles. Il faisait un froid sec et dur, et la vue de ces bûchers énormes, hauts de 10 mètres au moins et flambant en pleine nuit autour d'une croix de bois noir haute de 6 mètres, était d'une singulière et farouche grandeur. Pourtant, à la même heure, une scène nouvelle se déroulait au château concernant tous les fidèles de l'ex-Kaiser. On lui avait apporté de Berlin nombre de ses anciens uniformes. Il en avait essayé une douzaine au moins, et successivement, les tenues des cuirassiers blancs, des dragons de la garde, des hussards noirs, des chasseurs de la garde, des artilleurs, avaient volé au travers de l'appartement sans que le valet de chambre osât les ramasser. L'ex-empereur n'en pouvait plus mettre une seule. Il l'avait considérablement engraissé pendant son repos dans l'exil. Celui que jadis, alors qu'il paradait sous le cimier à l'aigle d'argent de ses gardes du corps, on appelait Lohengrin, avait pris du ventre. Il ne pouvait plus agracer ses hauts cols carcans qu'il affectionnait, ni boutonner sa tunique, qu'elle fût blanche ou noire, rouge ou verte ou bleue. Il avait pu, non sans peine, passer une culotte de cheval de grande tenue et mettre des bottes. Et en proie à une fureur folle, criant, injuriant ses serviteurs affolés, ses secrétaires, ses fils, jurant comme un possédé, l'ancien premier sur la terre après Dieu, réclamait à tue-tête un tailleur. On courut chercher un honnête artisan du bourg, tout éberlué de l'immense honneur qu'on lui faisait, et qui, ayant choisi la tunique dont la coupe comportait le plus de rentrées en drap, la rajusta tant bien que mal à grands points, déplaça et replaça les boutons, et réussit à contenter le souverain en exil. Tout fut prêt, à l'heure voulue. Pendant ce temps, la police et la gendarmerie néerlandaise prenaient en charge les journalistes, les amenaient à Marne en auto, avec les cinégraphes et les photographes, et après leur avoir promis qu'ils pourraient tout voir très à leur aise, les amenaient sur une colline, à 200 mètres de la gare, et les plaçaient de telle façon que les infortunés ne pussent absolument rien apercevoir de ce qui se passerait sur le quai de la gare historique. Tout cela n'alla pas sans protestations, qui d'ailleurs furent inutiles, car de toutes les gendarmeries du monde, la gendarmerie néerlandaise est peut-être la plus solide et la plus impitoyable. Un triple rang de colosses, haut de 6 pieds, coiffé du colbac à plumet de grande tenue, enquista les journalistes et les photographes et ne les quitta plus. À 9 heures du soir, très exactement, le pasteur de Dorn opérait la levée du corps et prononçait au pied du cercueil, dans la chambre funéraire, un court panégyrique de celle qui, après avoir été impératrice et reine, n'était plus que la châtelaine de Dornuy, aimée des pauvres. Dans la rouge lueur des bouchers flamboyants, les rafales de vent aigre, les flocons de neige, les tourbillons de fumée, tout crépitant de flammèches et d'étincelles, on plaça le cercueil sur le châssis d'un fourgon automobile pourvu d'un plancher et muni d'une espèce de catafalque sur lequel on avait cloué un drap noir frappé d'une grande croix blanche selon le rite évangéliste. Très bas, le char funèbre ressemblait, ainsi vu, à ce long scarabée noir que l'on nomme sicre. En tenue de grand deuil, le chauffeur de l'impératrice défunte le conduisait, et derrière lui venaient les serviteurs, à pied, tous en livrée, ou en habit et sans manteau. L'empereur, coiffé d'un casque d'argent à longues pointes dorées, portait une tunique vert bleu, des gants à crispins, les colliers de ses ordres. Beauté, éperonné, le sabre au côté, il s'enveloppait avec majesté dans une grande cape gris bleuté. À sa gauche marchait le Crown Prince, plus long, plus maigre que jamais, en tenue de hussard rouge et coiffé d'un colbac énorme. Puis, derrière eux, s'avançait le prince Eitel Frédéric, bedonnant, essoufflé, dans son uniforme de 1er régiment d'infanterie de la garde royale prussienne. À sa gauche marchait le représentant de la reine des Pays-Bas. À leur suite, en grand ordre, venaient les officiers délégués par les corps allemands, le bourgmestre de Dorn, von Röngen, quelques Johanniters, témoins vieillis des immenses espérances de jadis. Les automobiles, aux lanternes voilées, prirent successivement la file, et entre les barrages d'agents de police et de gendarmes, le cortège prit la route de la gare, sous les regards d'une maigre foule transie de froid qui se dispersa sans se faire prier. Au moment où, reformé derrière le corbillard, il s'avançait sur le quai, une, puis deux immenses lueurs jaillirent dans la nuit. Deux photographes, un américain et un français, avaient sournoisement préparé de véritables bombes au magnésium, dont l'une, la première, comportait une charge de 750 grammes et la seconde 500 grammes seulement. Les gendarmes se ruèrent aussitôt, muets, les poings levés. Les policiers les imitèrent. Il y eut une courte et violente bagarre dans l'ombre. Les appareils furent immédiatement saisis. Cependant que leurs possesseurs connaissaient les douceurs d'un passage à tabac exécuté selon toutes les règles. L'empereur et le Crown Prince avaient eu un sursaut nerveux à la première explosion, mais continuaient de suivre, et le cortège parvint enfin devant le wagon-chapelle rangé sur la voie. Ces funérailles nocturnes, dans le banal décor d'une gare, sous l'indigente et clignotante lumière de quelques lampes arc, dans le vent glacial, la neige voletante, parmi ces vestiges de ce qu'avait été la façade représentative d'une force presque terrifiante, prêtait à la méditation. Elsa, le cœur serré malgré elle, regardait de tous ses yeux. Sur le quai, on avait planté en rideau serré une centaine de jeunes sapins hauts de 5 ou 6 mètres. Ils formaient un hémicycle au centre duquel, sur un tertre de terre, recouvert de plaques de gazon et fleuries, on avait disposé une grande croix noire et 51 cierges. Il y avait là, en tout, 51 assistants, dont chacun prit une cire en main, l'ex-Kaiser tout le premier. Puis il rejeta son ample cape et d'une voix puissante, il clama plus qu'il ne prononça un sermon dont le thème lui avait été fourni par un passage du sermon sur la montagne. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Un quart d'heure durant, Guillaume II parla sur ce thème, exaltant l'impératrice défunte, mais glorifiant bien davantage son œuvre propre, en appelant à l'avenir du malheur qui l'avait frappé par la faute des méchants et des mauvais Allemands, proclamant son espérance dans un prompt retour aux choses de naguère, et appelant le divin regard de Christ sur tous ses fidèles, vivants et morts. tous ceux qui étaient là, tête nue, dans le vent glacial qui tourmentait la flamme des cierges, grelottaient de froid. Enfin, on donna la bénédiction suprême au corps de la défunte impératrice. Les cierges furent éteints, emportés par les assistants, et la morte demeura là, sur la voie de garage où l'on avait placé le wagon chapelle ardente, gardée par deux infirmières et deux dames d'honneur qui se relayèrent tour à tour durant la nuit pour veiller en prière, et aussi par un piquet de gendarmes. À 6 heures du matin, le train spécial quittait la gare de Marne, par un clair soleil sous un ciel d'un bleu pur. 1 heure et demie plus tard, il franchissait la frontière allemande. Une fanfare locale, aux musiciens vêtus de vert et coiffés de casques à pointe, jouait des airs funèbres. Une pluie de fleurs tomba du haut d'un pont sur le train. Pendant qu'on changeait la locomotive hollandaise et qu'on la remplaçait par une locomotive prussienne, pavoisée aux couleurs impériales voilées de deuil, le bourgmestre harangua le prince Eitel Frédéric, qui répondit par un discours enflammé, tout à coup interrompu par des huées, des sifflets, une grêle de cailloux. Les ouvriers allemands arrivaient à la rescousse, mais ils furent refoulés et le train s'ébranla enfin, pendant que la troupe, les musiciens, les fonctionnaires, les lycéens, les jeunes filles entonnaient le choral de Luther. Notre rempart, c'est notre Dieu. 2 jours plus tard, Elsa alla prendre congé du baron Florent von Rangen. Elle lui dit ce qu'elle avait remarqué, noté, entendu. Le vieil homme l'écouta sans l'interrompre, eut un long soupir, puis dit en hochant la tête « Et que pensez-vous de tout cela ?»« Je pense que les temps ont bien changé. Depuis le jour où, en se livrant pour la seconde fois aux Anglais pour remplacer son fils, gardé par eux en otage et qui s'était évadé, le roi de France, Jean le Bon, disait avec noblesse « Si la justice et la bonne foi étaient bannies du reste de la terre, elle devrait toujours se retrouver dans le cœur des rois. » « C'est assez mon avis, » dit l'ancien homme d'État avec un amer sourire. « Mais pour votre paix et pour la mienne, mon enfant, mieux vaudra peut-être ne pas trop le redire. » Ainsi s'achève la fin de l'impératrice Augusta, une aventure d'Elsa von Legels, par Gaston Charles Richard.